Bonsoir tout le monde. La conférence de ce soir a pour titre « Qu'est-ce que la pensée? » Je me présente, Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, je suis Michel Lassef, je suis policier et homme d'affaires. Moi, j'ai un commentaire à dire sur le système d'éducation. Vous voyez, ici, on est un éducateur physique. Franchement, c'est pas... C'est pas du motivant pour les jeunes. C'est pas, je suis pas habillé pour, là. Ah, c'est quand, oui, ça, c'est mon chandail de conférencier. C'est cardiovasculaire, lui, secteur cardiovasculaire. Ah, bon, d'accord. Élongation et cardiovasculaire. Non, mais il y a des spécialités. Alors, Daniel, pour commencer, tu as demandé, que penses-tu de la pensée? Il va dire qu'il pense pas. Ah, bon. Je vais y aller avec la pensée. Tu connais les réponses? Ben, ça dépend. Ça fait pas bien. Ça dépend des questions, oui. Non, mais c'est un piège. Je voulais voir si tu peux tomber dedans. La pensée et la réflexion, tu sais, on va... Les deux, là, font partie... La pensée mène à la réflexion. Pour arriver à construire quelque chose, c'est l'homme, là, si on y va au début là, de l'humanité, on regarde ce qui s'est rendu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Tout ce que l'homme a pu faire, l'homme et la femme. Ouais, ça dépend des points de vue. Extraordinaire, ben, c'est un point de vue, mais mettons qu'on peut s'entendre pour dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est ordinaire. C'est pour ça que c'est fait. Ben non. C'est ordinaire. Ce qu'on vit présentement en 93, c'est la première fois que ça arrive. Après 4 milliards d'années. Mais quand même, si on regarde c'était quoi la matière première au début, bien, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui a permis l'évolution de ça, c'est la pensée qui, après ça, amène la réflexion. Non. C'est quoi? C'est pas la pensée. Mais y a-tu un lien entre la pensée et la réflexion? Oui. Lequel? La pensée, c'est une mécanique qui appartient pas à l'homme. La pensée, c'est une mécanique qui perturbe énormément l'humain. La pensée, c'est un peu comme de l'air. On va revenir un peu sur la pensée pour faire la liaison avec la réflexion. L'être humain est un peu comme un miroir, et à un moment donné, le miroir, il réfléchit ce qui passe devant. Alors, on appellera ça réfléchir. Alors, quand je réfléchis, moi, tout ce que je fais, c'est qu'il y a de la pensée dans l'air. Et cette pensée-là, elle finit par me traverser, elle est réfléchie par mon cerveau, elle est réfléchie par mon corps physique, et étant réfléchie, elle transparaît sous une forme d'image électromagnétique au niveau de mon cerveau, ou encore elle transparaîtra sous forme de parole, sous forme d'écriture, sous forme de gestuelle. Quand un être humain réfléchit, tout ce qu'il fait, c'est qu'il regarde passer de la pensée, et regardant passer de la pensée, il va probablement finir quelque part par arrêter quelque chose. Mais la pensée, ça n'appartient pas à l'humain. L'être humain ne pense pas, l'être humain réfléchit. Et l'être humain réfléchit la pensée. Puis la pensée, ça n'appartient pas à l'homme, ni à la femme, ni à l'enfant. Et de ce fait, l'être humain qui pense, qu'il pense, tombe dans le piège le plus magistral du mensonge cosmique. Et il finit par s'associer totalement, complètement, au niveau de sa conscience, à une mécanique qui n'est absolument pas lui, qui ne lui appartient absolument pas, et qui toute sa vie va le fourrer à l'os sans arrêt. Alors, ça veut dire que l'homme ne pense pas, mais il réfléchit. L'homme réfléchit, et parce que l'homme réfléchit, l'homme pense, hein, mais en réalité, c'est pas vrai, on y fait croire, l'homme pense que c'est sa pensée qui réfléchit. Mais c'est quoi la pensée? La pensée, c'est uniquement de la mémoire expérientielle. Donc, la pensée, c'est uniquement de la mémoire d'expérience vécue à l'échelle planétaire, qui est mémorisé dans la matière. La majorité des constituants mémoriels sont l'oxygène et le carbone. On parlera d'oxycarbomémoire. La majorité, donc, quand l'être humain respire, il respire de toute façon la pensée des autres. Il respire l'ambiance des autres. Il respire la colère des autres. Si on appelle ça avoir de l'inspiration, c'est quand tu es capable de réfléchir convenablement à une mémoire que tu viens d'inspirer. L'être humain, la pensée, c'est de la mémoire. La mémoire, elle est aussi stockée on va laisser faire certains détails, mais la mémoire planétaire fait partie de ce que l'humain appelle théologiquement le ciel. Ça fait partie de ce que l'être humain appelle le nirvana, donc le paradis, quand on parle de paradis spirituel. Ça fait partie de ce que l'humain appelle l'enfer. Ça fait partie donc de ce que l'humain appelle le monde de la mort. Et dans tous ces phénomènes-là, le monde de la mort, c'est là où finissent toutes les mémoires d'un être qui a vécu. Mais le monde de la mort est sans cesse nourri par l'expérience même des vivants. Les vivants sont continuellement en contact par leur expérience avec le monde de la mort, qui donc, quel que soit le nom qu'on veut donner au niveau des religions, c'est cela. Quand un être humain se réincarne, il réincarne premièrement de la mémoire, ça vient du monde de la mort et c'est ce qui va constituer son âme. Alors, la pensée, c'est uniquement les mémoires planétaires, les mémoires expérientielles qui se promènent à l'échelle de la planète. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un vent, il y a un égrégore, c'est-à-dire une espèce d'une agglomération de mémoires particulières qui se déplace au gré des vents atmosphériques. C'est des molécules, bien, ça veut dire que c'est fixé dans les structures atomiques de certaines molécules, donc l'oxygène et le carbone, puis on en a pas mal à l'échelle atmosphérique. Et à travers les vents, ça s'en vient. Et si on regarde, par exemple, la migration des modes planétaires, bien, on se rend compte que la migration des modes suit la migration des vents. Bon, à un moment donné, une personne va... Pendant un laps de temps ici, c'était dans le vent de dire « moi, je suis dans le vent ». Mais être dans le vent, c'était être dans le collectif. C'était être justement dans la mode. Être dans le vent, c'était bien. Bien, justement, l'être humain a énormément de mots qui sont ajustés par son ajusteur de pensée. On parlera dans la prochaine conférence au niveau du phénomène supramental. L'être humain a un ajusteur de pensée qui a la capacité de traduire par sa pensée, sans que l'humain ait à penser, donc d'ajuster l'illusion, le mensonge cosmique, à travers une verbalisation, ou une écriture, ou une gestuelle, on parlait de verbalisation présentement, qui, dans l'oreille de quelqu'un qui n'est pas sourd, révèle des choses. Par exemple, quand on dit que quelqu'un est... quelqu'un fait une colère noire, le rôle d'un individu devient noir, effectivement. Bon, alors il est vert de jalousie, ou vert de honte, jaune de jalousie. Il y a effectivement des mécaniques au niveau de la couleur. Puis sans arrêt, on va en retrouver. Quand une personne dit qu'elle est dans le vent, bien c'est ça, elle est dans le vent astral. Alors, il y a énormément de mécaniques astrales, c'est-à-dire que tout ce que l'humain a vécu depuis que l'humain est là, on peut retourner, disons, à près de 120-130 000 ans. Ça a commencé avant, évidemment, la constitution du monde astral, là, mais... au niveau humain, et 130 000 ans, 130, on parle de 130 millions d'années, même pas, un petit peu avant, et puis en Lémurie, et lorsque l'humain bouge sur la planète Terre, l'humain, ce qu'il fait, il récupère sans arrêt les mémoires qui sont passées, et ça vient chez lui, puis ça vient le dynamiser, c'est ce que l'humain appelle avoir une pensée. Un exemple banal, vous écoutez la télévision, puis une partie de hockey ou un film, puis subitement, vous avez le goût de prendre un coke. Ça, c'est l'image... Ouais, c'est passé, à un moment donné, flingue, ça te rentre dedans, puis hop, t'as le goût d'un coke. T'as pas dit, tu sais, d'avoir le goût d'un coke, là. T'as pas dit, tiens, m'envoie le goût d'un coke. Paf, ça y est, le goût d'un coke. T'es en train d'écouter ta télévision, puis subitement, il se passe quelque chose. Ou encore, tout va bien dans un couple, ça marche, ça va bien. Puis à un moment donné, il y en a un qui va sortir une affaire, qui pique l'autre, puis l'autre saute dessus, puis fait une chicane, paf, de même. Mais il n'y avait rien de prévu. Mais c'est l'astral qui se promène, puis l'humain embarque à 100%. Là. Mais comme la pensée, c'est de la mémoire, et puis l'âme est aussi constituée de mémoire, on dit que dans l'âme, on réincarne quotidiennement des mémoires. Mais c'est quoi la différence entre réincarner une mémoire et avoir une pensée? Bon, premièrement, c'est un fait que l'humain réincarne 24 heures sur 24. Donc, il ne s'est pas réincarné à sa naissance, il se réincarne toute sa vie. Bon, et se réincarnant toute sa vie, il réincarne des mémoires. Donc, vous ne vous êtes pas réincarné, vous réincarnez sans arrêt des phénomènes. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, un individu se lève un matin et ne se reconnaît plus, parce que là, il vient de réincarner une mémoire particulière, puis il devra la digérer, ou bien non, il va se faire digérer par cette mémoire-là, donc il va changer. Prenons l'exemple d'un individu qui rentre dans une secte. La première chose qu'il va faire en rentrant dans une secte, dans les religions, on le sait, on va rebaptiser le plus vite possible, de façon à déconnecter son canal réincarnationnel d'un égrégore particulier, de le connecter à l'égrégore de la religion ou de la secte. Il y a des sectes qui sont grandes. Quand un individu rentre dans une secte, on s'arrange très souvent pour lui parler dans un espace clos, restreint. Bon, il faut qu'il baigne dans l'atmosphère. Et plus un individu va se présenter fréquemment à la secte, plus lentement il va penser comme eux autres. Puis je ne dis pas que la secte est mauvaise, il y a des sectes qui sont mauvaises, des sectes qui sont, disons, moins mauvaises. Mais l'individu finit par penser comme eux autres. Quand tu réincarnes, ça veut dire que tu penses comme la réincarnation. Ça veut dire que la majorité de toutes tes structures, ton expression, ta colère, ta jalousie, ta joie, va progressivement t'exprimer en fonction de l'unité mémorielle que tu réincarnes. Si c'est uniquement de la pensée, ça ne fait que passer et ça ne reste pas chez toi. Ça finit de te faire charrier. Mais comme tu dis ça, là, ça veut dire est-ce que la pensée, c'est une possession? La pensée, c'est une possession. La pensée, c'est pas juste une possession. La pensée, c'est une insulte totale à l'homme. Qu'est-ce que dans... Tu parlais tantôt de la réflexion, de la pensée. Bon, la pensée, tu dis que ça fait juste... C'est une vibration magnétique dans la tête. C'est ça, ça ne nous appartient pas. Mais quand je réfléchis, je regarde, bon, j'ai un problème devant moi, je dois prendre une décision pratique, là. Et je me sers quand même de cette pensée-là. Il y a quelque chose que je peux utiliser. La pensée se sert de toi. Toi, tu essaies de te servir de l'information. Première information que tu vas utiliser, ça va être l'information de ce que tu vois. Disons, c'est un problème de choix matériel. Qu'est-ce que je mange ce matin? J'ai acheté 8 boîtes de céréales, puis là, je suis en dissonance cognitive. Laquelle je prends? Bon. Tu peux tout essayer, évidemment. Là. Bon. Un mélange. C'est ça, un mélange. Alors, tu te demandes qu'est-ce que tu manges. La première chose que l'humain veut avoir pour être efficace dans le contexte planétaire, le contexte où il est le moins efficace, ça va être de l'information. L'humain recherche donc de l'information. Puis là, l'humain, on va revenir, qu'est-ce que c'est l'humain? Mais l'humain, c'est pas la pensée. Alors, tu regardes toutes tes boîtes de céréales, puis normalement, tu écoutes ce que ton corps physique a besoin. Vu qu'il a déjà goûté, il sait déjà qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes de céréales. Puis normalement, il devrait te donner le goût de telle ou telle céréale. De ce sens-là, tu vas être capable de manger ce que tu as besoin. Un peu comme la femme enceinte qui subitement devient un petit peu folle au niveau alimentaire. C'est qu'en réalité, elle a des besoins particuliers. Puis c'est tellement puissant que le corps va lui dire, écoute, prends un concombre avec de la mélasse, vite. Bon, elle apprend un concombre avec de la mélasse. C'est qu'en réalité, son corps se rappelle qu'il y a du fer, par exemple, dans la mélasse, qu'il y a tel ou tel élément dans le concombre, et que si tu es présentement, j'ai besoin de ça. Ça devient tellement puissant que la femme, elle a des goûts. Mais si la femme se met à réfléchir, voyons, là, un concombre avec de la mélasse, il faut que tu épaisses un peu, si elle se met à réfléchir, si elle se fait ramasser, elle, probablement qu'elle ne pourra pas le faire. Elle peut se faire canaliser par sa pensée, prendre des vitamines à la place. C'est aussi niaiseux, là, c'est du fer avec, c'est la menace de concombre, placé dans une pilule. Lorsque tu as ton choix à faire, tu as besoin d'informations. La problématique, c'est qu'étant donné que tu es totalement en contact sans arrêt avec tout ce qui se passe dans l'astral, donc avec tout ce qui se passe au niveau des mécaniques de mémoire, avec l'atmosphère, avec tout ce qui se passe au niveau de ça, tu regardes toutes les boîtes au complet, en regardant la boîte cornflakes, immédiatement ça te branche à tous ceux qui ont mangé des cornflakes. Fait que là, ben là, t'aimes ça, t'as le goût. Là, en regardant la boîte de Rice Krispies, ça te branche à tous ceux qui ont mangé des Rice Krispies. Puis à toi, quand tu viens de manger. Fait que là, t'aimes autant ça que les cornflakes. Mais là, c'est que tu as d'autres informations, celles qui viennent de l'astral. Puis ces informations-là vont essayer, puis dans l'astral, c'est des phénomènes qui sont là, c'est que les mémoires sont régies par des lois. La première, c'est d'être alimenté, puis la deuxième, c'est de s'exprimer. Alors, la mémoire comme flex aimerait bien que tu en manges, ça va la nourrir. C'est pas une question de décision. C'est un peu comme un arbre. Une plante, quand ça pousse, ça va vers le soleil. Ça a besoin de soleil, mais ça dit pas « j'ai besoin de soleil ». Ça a un phototropiste, ça suit le soleil, mais ça se dit pas « tabarnouche, j'ai rendu là, oh, je tourne un peu ». C'est mécanique. Mais dans l'astral aussi, c'est mécanique. Mais nous autres, on va avoir des pensées. Ben, nous autres, on se fait fourrer énormément. Alors lui, il continue avec ses céréales, puis à chaque fois qu'il regarde une boîte, il y a plein d'informations qui rentrent en même temps. Comment je fais le tri dans toutes ces informations-là? Parce quand la première boîte, quand elle sera vide, tu prendras la deuxième. Oui, il faut simplifier sa vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec les lèvres? Si tu avais juste une boîte, tu te casserais pas la tête. Si tu en as 8, tu te casses la tête. Oui, mais c'est quand même ça. J'ai l'abondance. Merde, que fais-je? Bon. Regarde bien ce qui arrive. Quand je parle d'information, l'œil est capable de voir, puis l'œil voit tes boîtes de céréales. Puis la problématique, c'est que l'être humain a un cerveau, ça c'est pas une problématique, donc ça peut aller ça jusque-là. Il y a un thalamus, il y a un hypothalamus à l'intérieur de son cerveau. Même toi, tu n'as pas. Eh oui. C'est ça que je sens ici. Tout ce qui passe par les sens physiques traverse le thalamus avant d'aller au cortex cérébral. C'est anatomique. Alors, quand tu regardes ta boîte de cornflakes, tu devrais voir au niveau du cortex une boîte de cornflakes. Mais le thalamus est relié, puis là je passe un paquet de détails sur lequel je reviens en séminaire, à ton âme, qui elle est totalement en contact vibratoire avec le monde astral, c'est de là qu'elle vient. Puis la problématique, c'est qu'en regardant ta boîte de cornflakes, avant d'aller ici au cortex cérébral, au niveau du au siège du mental, du logiférateur, ce qui va te permettre de logiférer, d'avoir des contacts logiques avec le monde planétaire, ça s'en va au niveau de ton âme, ça s'en va se nourrir dans l'astral, puis quand ça revient au niveau du thalamus pour poursuivre son chemin, c'est totalement coloré. Alors quand tu regardes la boîte de cornflakes, tu dis « Hum, des bonnes cornflakes! » C'est pas ça que t'as vu, là. Ben c'est ça, ça veut dire que tout ce que je vois, c'est très coloré par l'astral. Tout ce que tu vois ne fait pas partie de la réalité. Est-ce que tu me vois présentement? Oui, mais... Chez lui, tu vas te sortir quelque chose d'autre, là. Oui, non. T'as pas l'air être sûr. Qu'est-ce que tu vois, là? Non, je te vois, toi, avec un doigt devant. Bon, parfait, oui, la majorité voit un doigt. Moi, je suis bien caché. Mais... bien. Moi, je suis présentement totalement frappé de photons. Hein? C'est la lumière. La lumière, elle s'en vient, elle me frappe. Elle frappe la chaise verte. On parlait de la chaise ici. Alors, elle frappe la chaise verte. Et là, toutes les couleurs de la lumière blanche, elle contient toutes les couleurs. Bon. Toutes les couleurs de la lumière sont absorbées par la chaise, sauf une, le vert. Le vert est donc rejeté, la chaise n'en veut pas. Le vert s'en va jusqu'à ton œil. Devant ton œil, la forme de tous les verts et les ombres de la chaise est transformée en impulsion électrique. Sur le long du nerf optique, ça va jusqu'à certains neurones. Puis de là, ça fait vibrer des neurones. C'est retransformé, les vibrations atomiques des neurones créent de l'énergie électromagnétique et ton âme est au courant, tu vois la chaise verte. Mais qu'est-ce qu'il connaît de la chaise après ça? Non seulement il n'a pas touché à la chaise, en plus c'est une mémoire photonique qu'il a vue, qu'il ne connaît plus rien de la chaise, en plus c'est une mécanique neuronique, donc électromécanique qui se promène dans sa tête. Puis il pense qu'il voit la chaise, puis après ça c'est traduit au niveau de sa pensée, il pense qu'il voit la chaise, il n'a jamais vu ça une chaise. En plus, au niveau du monde de l'illusion, ben, la chaise n'est pas verte. Elle est toutes les couleurs sauf vert, parce que la seule couleur que la chaise rejette, c'est le vert. Oui, mais là, par convention, on établit qu'elle est verte. On est d'accord là-dessus. Puis, l'autre chose, c'est que on voit peut-être pas la chaise. Mais... On ne voit pas la même chaise. À cause du point de vue? Pas à cause du point de vue. En tout cas, ce que je veux dire... Bon, regarde, vois-tu les deux bras que sur la chaise? Oui. Ben, pour moi, deux, là, ça veut dire cinq. Alors, chaque fois que j'ai vu cinq affaires, mes parents m'ont dit, regarde, il y en a deux. Fait que là, moi, j'en vois deux, là. J'en vois deux. T'en vois-tu deux? Ben non, t'en... T'en vois-tu deux? Moi, j'en vois deux, mais... Ben, moi aussi, j'en vois deux. Non, tu vas en voir deux, mais tu vas appeler ça cinq. Mais non, moi, j'en vois cinq, j'appelle ça deux. Fait que moi, je dis, j'en vois deux. Okay. Toi, t'en vois combien? T'en vois deux. Oui, mais tu peux mais pas... Mais combien il en voit, lui, des bras? Non, mais je sais pas. Tu peux pas en voir cinq. Non, ça marche avec les couleurs, mais ça marche pas avec les chiffres. Ça marche avec n'importe quoi. Ben non. Pouvez-vous me dire la largeur de cette chaise? On va tous être d'accord qu'elle mesure, disons, deux pieds de large. Mais si deux pieds de large, pour vous, là, c'est grand de même, bien la chaise, vous la voyez nécessairement grand de même. Mais chaque fois que vous avez vu grand comme ça, moi, je voyais grand comme ça, puis moi, j'ai dit, ça, c'est deux pieds. Vous avez dit, OK, c'est deux pieds. Puis tout ton monde est en fonction de ce que tu vois, puis on a appris à mettre des mots sur ce qu'on voyait. Quand je vois un verre, ici, j'appelle ça un verre, je dis les transparents mesurent 6 pouces de haut. Lui, il regarde le verre est totalement opaque. Mais tout ce qui est transparent pour moi est opaque pour lui. Mais comme nous sommes d'accord pour dire tous les deux, transparent, mais transparent dans sa tête ne veut pas dire transparent dans ma tête. Oui, ça c'était un fait. Oui, mais écoute, là tu dis, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ben je comprends ce que tu dis, sauf que si... La pensée, il y en a qui te trouvent beau, puis il y en a qui te trouvent laid. Ils ne voient pas la même chose, certains. Bon, ça, c'est pas grave, ça. Si astralement... C'est la même chose! Oui, mais écoute bien. Si, bon, s'il y en a plusieurs qui me trouvent beau, plusieurs qui me trouvent pas beau, ça change que de toute façon, c'est pas eux autres qui pensent, c'est l'astral. Fait que, normalement, il devrait avoir un consensus, puisque c'est la même mécanique qui envoie les pensées à travers le monde. Oui, la seule chose qu'il y a, c'est que moi, ce que je dis, c'est que quand tu rencontres, tout ce que tu vois présentement... est totalement détaché de la réalité. L'humain n'a aucun contact avec la réalité par ses cinq sens. Et en plus, chaque fois que les sens amènent quelque chose à l'humain, ça vient être coloré par la pensée, ça s'en vient au cortex, Puis à partir de ce que nous voyons au cortex, ça veut dire, à partir de l'illusion de la chaise qui arrive à ton cerveau, ou l'illusion de tes boîtes de cornflakes qui arrivent à ton cerveau, en plus colorée par l'illusion de toutes les mécaniques de pensée, tu dois être efficace dans la vie et prendre une bonne décision. Fait que vous rendez-vous compte pourquoi vos vies sont si problématiques? Tu peux pas! Tu ne peux pas! Mais là, la pensée, là, c'est un pillage, c'est un viol complet de la conscience humaine. La pensée, c'est ce qui, dans le corps physique, remplace l'intelligence. Puis quand l'humain commence à être intelligent, mais là, il doit faire la guerre à la pensée. Là, l'humain doit se dire, merde, je veux cesser de penser à cette affaire-là. Eh oui, mais ça pense pareil, mais c'est pas nous qui pense. Merde, là, je veux me relaxer. Je veux penser à rien. Penser à rien, c'est pas penser à rien. Penser à rien, c'est un problème quand tu penses à rien. Faut que tu penses plus. Bon, je ne veux plus penser. Ça se met à chanter, il y a un train qui part, au son, ou n'importe quoi. Tu te fais juste te coucher pour dormir, puis tu peux pas. Bon, alors imagine-toi dans ta vie maintenant, quand on t'amène différentes informations, puis il faut que tu penses, déjà ce que tu vois est faux, ce que tu entends est faux. Mais tu sais, souvent, moi, en conférence, c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que les gens entendent. Bon, aujourd'hui, j'ai fait une conférence sur le décrochage scolaire. Dans les rapports finaux, il y a des gens qui disent, il n'a rien mené de neuf. Il y en a d'autres qui disent, c'est totalement neuf, c'est génial. Bon, c'est totalement diamétralement opposé. C'est pas ce que je dis le problème. L'humain est ramassé par sa pensée. L'humain se promène, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il est totalement manipulé. Mais si un humain décide que là, il travaille à ne plus penser, mais il y en a qui vivent des circonstances que c'est pratiquement pas possible. Bon, par exemple, un étudiant qui, lui, décide à son examen qu'il pense plus, mais ça se peut qu'il coule son examen. Mais ça se peut pas. Ben, il va couler. C'est ça, lui, il est pogné pour penser. Non. Non, mais penser, la problématique, c'est évident que si tu te dis, moi je pense, puis juste quand j'arrive là, dans un monde de pensée, pour traverser un pont qui peut-être peut tomber, je me dis, tiens, je pense plus. C'est peut-être pas le temps de commencer à plus penser. Parce que là, tu es totalement engrené dans un monde de pensée. Tu es dans un monde d'illusion. C'est comme tu rentres dans la pègre, dans la mafia ou dans un clan de criminels, puis quand ça va mal, tu as tué du monde pour eux autres, puis là, tu dis, bon, tout était bien avancé. Tu dis, ah, oh, tiens, j'arrête. Ben, c'est pas le temps d'arrêter, là. Pas de même, en tout cas. Pourquoi t'es trop avancé là-dedans? Te laisse-moi pas arrêter. Dans la pensée, c'est la même chose. Toi, quand tu penses, tu nourris l'astral. Toi, quand tu penses, là, tu crées des tourbillons, puis ça les alimente. Alors, à un moment donné, tu dis, là, je cesse de penser. Ça marchera pas comme ça. Le premier qui va te forcer à penser va être ton mari, va être ton professeur, va être tes collègues de travail. On va tout faire pour que tu penses. T'as toujours eu une opinion sur telle chose, décide que t'en parles plus. Tu vois qu'on va te forcer à en parler. Mais moi, je suis d'accord pour dire que ça pense. Ça, c'est on peut pas obstiner ça, c'est vrai, ça pense. Bon, je t'arrête juste deux secondes. Il est d'accord pour dire ça pense. C'est correct. Mais moi, je veux qu'on comprenne bien, là, c'est que ça pense. Ça pense. Présentement, dans vos têtes, ça pense. Puis c'est totalement dissocié de vous autres. Oui, mais... Hein, ça pense, puis c'est pas toi. Parce que... Toi, tu peux parler dans ta tête, puis en même temps, ça pense dans ta tête. Oui, mais la pensée, cette pensée, ces choses-là, cette pensée-là qui arrive, là, ouais. C'est comme ce que vais commencer à dire François, c'est quand même lui-même, c'est quand même des outils. C'est des outils pour vivre, pour communiquer, pour... Oui. Pour créer, pour construire. Tant que, oui, exactement. C'est comme, par exemple, en état de guerre, tu communiques avec des canons. Puis les canons sont extrêmement utiles, sont essentiels pour communiquer. Et tu communiques, t'es mon esprit, tu bang, t'as tiré le bord. Puis lui, il communique, t'es moi aussi, je n'ai un, puis il tire, ça, on communique. Mais la problématique, c'est que l'humain ne se sortira jamais de la guerre s'il finit pas par se dire, je dois cesser de communiquer avec ça. Mais là, je vois pas... Mais c'est vrai que ça ressemble à ça. Ah, c'est vrai que ça ressemble à ça. Ben moi, j'ai pas compris, là. Oui, parce que ceux qui pensent beaucoup, là, ils sont plus sujets à s'obstiner. Non, mais il y a une chose, c'est que jusqu'à maintenant, l'humanité, bon, même si ça a été sur des millions d'années, il y a quand même eu une évolution. Ça veut dire que la pensée, elle a quand même été utile, elle a quand même servi. Non. Ça, c'est de la récupération face à la dissonance. Non, mais même avant ça, il n'y avait pas... il n'y avait pas d'humain, il n'y avait pas de pensée. Exact. La pensée est venue à partir du moment où il a existé des formes, il y a quelque chose qui a été vécu. Mm-hmm. Ça veut dire que l'homme était avant la pensée. C'est un rejet, c'est un déchet de l'expérience humaine. La pensée, là, ça devrait être enfermé dans des contenants okay. éthiques. Ça veut dire, couler dans le fond de un exemple, par exemple, un humain, on va dire le premier humain, un exemple, qui arrive sur la planète, il pose un geste, par exemple, il se cogne la tête sur un tronc d'arbre. OK, je veux dire que c'est une porte, t'sais. Non, non. Premier humain, il frappe devant la tête une porte. Ben, ça peut être la même chose, sauf... C'est parce que l'arbre a été modifié. C'est que la pensée, ouais, ce qui va revenir plus tard, c'est le mouvement de quand c'est frappé, c'est ça. Puis là, ça crée des connaissances. La pensée, c'est des connaissances. La pensée, c'est effectivement des connaissances. Puis on sert de connaissances pour vivre. C'est ce qui nous amène, c'est ça. C'est ce qui nous amène toute la merde que l'humain vit. Ben oui, mais avant ça, c'est encore pire que ça, la merde qu'on vivait. Non, c'est en tout cas, c'était là toutes les religions. Avant ça, c'était pas si pire. Il y avait ça le paradis, eux autres. Bon, c'était pour nous faire accepter ce qu'on vit là. C'est parce qu'on parlait pas. C'est à côté de la parole du paradis. Mais si tu regardes... C'est parce que si tu penses... S'il n'y a plus de pensée... S'il n'y a plus de pensée... Il n'y a rien. Il y a quoi? S'il n'y a plus de pensée, il reste la parole. On va en reparler de toute façon. Quand tu parles de ton humain, bon, la connaissance, effectivement... Chaque fois que vous avez un problème neuf dans votre vie, vous pensez pour le régler? Ben, on réfléchit. Là. OK, bien, c'est ça. Mais ça va mieux en parler, par exemple. Non, moi aussi, pas mieux en parler. Il y a même une édition dans le dictionnaire de la rose, une petite page rose, là, qui dit que de la lumière, de la discussion jaillit la lumière. Pas de la pensée, de la discussion. Tu parles. Puis tu peux penser à voix haute, puis tu peux parler à voix haute. Tu peux aussi parler dans ta tête. Quand tu veux te raisonner, là, tu te parles. Tu essaies de dire au petit cave qui est en dedans, là, peux-tu arrêter de faire ça, là? Mais le petit cave qui est en dedans, il continue à le faire. C'est lui qui contrôle ton système endocrinien, c'est lui qui te fait transpirer, c'est lui qui te fait aller aux toilettes, c'est lui qui te fait trembler, c'est lui qui contrôle ton corps physique, pas toi là-dedans. Toi, tu te dis, voyons, qu'est-ce que j'ai encore? Toi, t'as rien. T'es possédé. Pas une possession à courir à l'église, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas toi qui as tout le contrôle du corps. Hein? Faut s'en rendre compte, vous vous couchez le soir, vous dormez pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on vient vous narguer. On se sert de votre corps. La connaissance que tu as, quand tu as un nouveau problème, que tu ne connais pas, bien, l'humain, ce qu'il se dit, puis il se fie à ça depuis qu'il réfléchit, il essaie de régler les problèmes neufs avec toute l'information vieille. Donc, il essaie de régler le futur en se servant du passé. Mais ça ne peut pas fonctionner. Mais ça fonctionne un peu. Ça n'a jamais fonctionné. Ben oui. Jamais. On arrive à résoudre on résout des problèmes avec rien. On résout des problèmes avec des solutions neuves amenées par des êtres neufs. Tout le temps. C'est sûr que si la solution neuve est bonne pour 5, 10, 15 ans, bien quand tu fies à son expérience, tu le règles encore. Mais au lieu d'avancer tout de suite, tu végètes là-dedans. À un moment donné, c'est un innovateur qui vient se pointer là. C'est un marginal qui vient rénover les choses. Lui, il n'a pas pensé. Lui, il pense pas certain. Comment veux-tu qu'il pense? Et là, tu te dis, tiens, je vais penser, on va faire un régime de pension de vieillesse. Ça n'existe pas nulle part. C'est pas vrai. Il a fallu que l'humain souffre, puis que l'humain souffre, puis que l'humain, des élus se voient sur le bord d'être vieux, pour qu'à un moment donné, l'intelligence les traverse, puis vienne leur amener de l'esthétisme social. Mais il ne s'est pas mis à penser. Quand ça, il va se dire, les vieux, ils ont un qui est resté dans la famille, puis se fait nourrir par leurs enfants. Mais c'est venu d'où, ça, là? Aujourd'hui. Mais c'est venu d'où? Qu'est-ce qu'on pense? Mais pour lui, il ne voit pas la différence. La personne, là, qui... Ah, ben, je sais qu'il ne voit pas la différence. Mais comment ça, il serait supposé, il me semble? Non, non, non. Quand l'être humain est intelligent, il a une idée de génie, il a une illumination. Ça, c'est quand l'être humain est réellement dans lui. Ça, c'est l'intelligence supramentale. Quand l'être humain ne pense pas. Alors, lui-même, à un moment donné, là, il végète, il pense, il cherche. Puis si le problème est tellement neuf, il ne trouvera absolument rien. S'il ne trouve rien de deux choses l'une, il se déprime, il se défait, ou bien il cesse de penser. Puis s'il cesse de penser, à un moment donné, il va jouer au golf, d'un coup, ça vient tout seul, là, ça y est, va l'aller. Ou bien là, il va se coucher, là, le lendemain matin, il l'a. C'est pas dans l'astral, il n'est pas rencontré un grand maître, un guide, là, qui a dit quoi faire. Et subitement, là, l'humain cesse de penser. Alors, lentement, l'humain va penser qu'on doit amener des techniques de vide de pensée pour aller chercher des contacts nirvaniques, c'est-à-dire des contacts avec Dieu, par exemple. Bon, n'importe quel prêtre ou technique humaine, quelle que soit la religion, va t'expliquer que si tu vas avoir un contact avec Dieu,